الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Le Ma'atul Atiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, accompagné de l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Durant le cours précédent, on a toujours parlé du Coran et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité l'explication des lettres appelées al-huruf al-muqatta'ah, al-huruf al-muqatta'ah, qui, il y a deux avis des savants à ce sujet. Quels sont ces deux avis? Il prend les gens, les arabes à l'époque, en défi. Non. Avec ces lettres-là, et derrière, il ne suffit pas de temps. Donc, certains savants considèrent que, tout d'abord, ils n'ont point de science à ce sujet. C'est-à-dire, ils disent que Allahu A'lam, Allah subhanahu wa ta'ala, est plus savant sur le sens de ces lettres séparées qui sont citées dans beaucoup de. Qui débutent beaucoup de sourates du Coran. Et ça peut être une lettre, ou deux, ou trois, ou quatre, ou plus. Et donc certains savants disent que Allah Azzawajal est le seul connaisseur de leur sens, et d'autres savants ont dit que c'est un défi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut montrer aux polythéistes et à tous ceux qui ne croient pas en lui que ce Coran n'est composé que de lettres, d'accord, et que vous les arabes les plus éloquents, vous n'êtes pas capables d'apporter ne serait-ce qu'une sourate similaire à celle-ci. Et ils utilisent comme preuve pour dire que c'est une sorte de défi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'à chaque fois, ou dans la plupart des cas, Allah azza wa jalla, après ces lettres séparées, cite le livre, cite le Coran et fait allusion au livre, à son livre subhanahu wa ta'ala. Il avait ensuite parlé des mérites du Coran et que chaque lettre lue correspondait à 10 hasanat, et que celui qui lisait le Coran en éprouvant des difficultés à ceci, que sa récompense serait double, que sa récompense serait double. Et on avait vu également que le but du Coran est la mise en pratique, et que la lecture du Coran et le fait de le lire sans erreur et de le lire en appliquant les règles du tajwid, c'était un but. C'est un moyen parmi les autres moyens qui nous permet au final d'appliquer le Coran et de le méditer. D'appliquer le Coran et de le méditer, ce n'est donc pas tout de bien savoir lire le Coran, mais le but, c'est de le mettre en pratique. Donc il y a trois étapes, comme l'avait dit Cheikh Fawzan durant le dernier cours. Il y a le fait de lire le Coran de façon soignée, sans faire des erreurs. Ensuite, il y a l'apprentissage du sens et de l'exégèse du Coran, et le but qui est de mettre en pratique. Et à la fois la lecture et à la fois l'apprentissage et la connaissance des sens du Coran sont tous les deux des moyens qui permettent d'arriver au but attendu, qui est de mettre le Coran en pratique. ما يقول الشيخ الفوزان هناك من يتلو القرآن ويحسن القراءة لكن يعتقد خلاف ما يدل عليه القرآن مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون القرآن ظواهر لفظية ونحن لا نبني عقيدتنا إلا على القواعد اليقينية المنطقية فهؤلاء ليسوا من أهل القرآن وإن كانوا يتقنونه لأنهم لا يبنون عقيدتهم عليه وإنما يبنونها على علم الكلام فأين هؤلاء من القرآن مجرد التلاوة وتحسين التلاوة ليس هو المطلوب بل إن هذه التلاوة تكون حجة عليهم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به رحمك الله. Puis Cheikh Fawzan dit, et certaines personnes lisent le Coran, le lisent même très bien, mais croient différemment ou ont des croyances différentes à celles contenues dans le Coran, comme Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, qui sont des sectes en islam, qui disent que le Coran n'est en apparence que des termes et qu'ils ne pouvaient baser leurs croyances que sur des règles qui sont certaines. Et Cheikh Fawzan dit que ces personnes parmi ces sectes ne font pas partie des gens du Coran, même s'ils le maîtrisent, car leur croyance n'est pas basée et n'est pas conforme à celle présente dans le Coran. Et il dit aussi que ce Coran sera bien au contraire une preuve contre ces personnes le jour du jugement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est soit une preuve pour toi ou soit une preuve contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique, et c'est une preuve contre toi si tu ne le mets pas en pratique. لم تعمل به في العقيدة لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج لم تعمل به فيما يطلب منك من تجنب المحرمات وفعل الواجبات وكل على حسب وسعه وقدرته وما منا أحد إلا عنده تقصير ولكن يجب الالتفات إلى كتاب الله والعناية به وليس المقصود التغني بالقرآن وتحسين الأصوات وجلب المستمعين ما هذا هو المقصود المقصود العمل والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا التلاوة إذن سمعها التلاوة إذا سمعها المؤمن زادته إيمانا التلاوة إذا سمعها المؤمن أبكته من خشية الله وأثرت فيه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام ولما استمع إلى قراءة ابن مسعود من سورة النساء ووصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يعني قف قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام هكذا يعمل القرآن في قلوب المؤمنين إذا سمعوه أو تلوه أثر فيهم خوفا وخشية وبكاء وأثر فيهم عملا صالحا وقدوة صالحة. Donc celui donc qui ne le met pas en pratique, ni dans la croyance, ni dans la prière, le jeûne, le pèlerinage, celui qui ne met pas en pratique le Coran dans ce qu'il demande, dans ce qu'il te demande de t'abstenir comme interdit ou d'accomplir comme obligatoire, et tout ceci, et toute personne applique le Coran selon sa capacité et selon sa possibilité, et chacun d'entre nous connaît des faiblesses, mais il est obligatoire, malgré connaître ses faiblesses, de se diriger vers le livre d'Allah et de le prendre en considération. Et le but n'est pas de le lire, ni de le chanter, ni d'embellir sa voix dans sa lecture pour étonner et attirer ceux qui écoutent. Ce n'est pas cela le but. Le but, c'est de le mettre en pratique et d'avoir la crainte et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, le verset 2, les croyants sont ceux lorsque, sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est cité, leur cœur frémisse, et lorsque ces versets sont récités, cela fait augmenter leur foi. La lecture, lorsque le croyant l'écoute, cela augmente sa foi. Cela le fait pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et a un effet sur lui. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prie, lorsqu'il lisait le Coran durant sa prière, on entendait des bruits émanant de sa poitrine, comme le bruit de la marmite qui contient de l'eau bouillante. Et ceci, c'était le bruit de ses pleurs, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a entendu la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud dans Surat al-Nisa, et que Abdullah ibn Mas'ud est arrivé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment seras-tu lorsque nous apporterons avec chaque communauté ou chaque peuple un témoin, et nous t'apporterons où, et tu viendras comme témoin contre eux, c'est-à-dire contre ta communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, hasbuk, c'est-à-dire tu peux t'arrêter. Et Abdullah ibn Mas'ud a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a constaté que ses yeux coulaient des larmes. Ainsi, le Coran a de l'effet sur le cœur des croyants lorsqu'ils l'écoutent, lorsqu'ils le lisent. Cela les fait augmenter leur crainte et leur peur et a pour conséquence que leurs actes pieux deviennent de plus en plus fréquents. أما مجرد التلاوة وتحسين التلاوة ومعرفة القراءات السبع والعشر هذا ليس هو المطلوب ولو أن الإنسان يتلوه بسبع القراءات أو عشر القراءات ليس هو المطلوب المطلوب العمل بالقرآن هذا هو المطلوب وهذا هو الغاية من القرآن أما تعلم القراءات وإتقان التلاوة إنما هذه وسائل. Donc c'est ceci le but, ce n'est pas de lire ni d'embellir sa voix dans la lecture, ni même de connaître les 7 ou 10 lectures, cela n'est pas le but. Si, même si la personne connaît les 7 lectures ou les 10, ce n'est pas le but. Le but, c'est de le mettre en pratique et d'embellir, comme l'on a dit, la voix et de lire correctement le Coran n'est seulement qu'un moyen. ثم قال الإمام ابن قدامة المقدسي وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. الإمام ابن قدامة المقدسي أدي أبو بكر وعمر كالله لزقري ont dit le fait de bien lire le Coran est meilleur pour nous que d'apprendre une partie de ces lettres. قال الشيخ الفوزان معناه أن إتقان القراءة وعدم اللحن أحسن من الحفظ الكثير الذي فيه لحن وفيه خطأ فكونك تحفظ قليلا من القرآن وتتقنه وتعربه على الوجه المطلوب أحسن من كونك تقرأ كثيرا لكنك لا تحسن قراءته على الوجه المطلوب. Le sens de cette parole de Abu Bakr et de Omar radiallahu anhuma, c'est que le fait de bien lire et de ne pas se tromper dans la lecture est meilleur que d'apprendre beaucoup en se trompant. Le fait de connaître peu du Coran, c'est-à-dire de connaître par cœur une petite partie du Coran que tu maîtrises, que tu lis correctement, sans faire des erreurs, est meilleur que de lire beaucoup en faisant des erreurs. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. Et Ali رضي الله عنه a dit celui qui ne croit pas en une lettre de ce Coran n'a pas cru en l'ensemble du Coran. قال الشيخ الفوزان فكيف إذا أنكر آية أو أنكر سورة أو سورا من القرآن فكفره أشد والعياذ بالله أو أنكر كلمة من القرآن كفره أشد لأنه جحد لكلام الله وبالمناسبة بعض الناس يظن أن طه وياسين من أسماء الرسول وهذا غلط طه من الحروف المقطعة طه حرفان كذلك ياسين ياء حرف وسين حرف وليس هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يسمون أولادهم ياسين وطه زعما منهم أن هذه أسماء مع أنها حروف مقطعة. Donc Ali رضي الله عنه a dit celui qui ne croit pas en une lettre du Coran n'a pas cru en l'ensemble du Coran. Que dire alors de celui qui renie un verset ou de celui qui renie une sourate ou de celui qui renie plusieurs sourates? Sa mécréance est encore plus dure, qu'Allah nous en préserve, ou celui qui renie une parole ou un mot du Coran, sa mécréance est plus grande également, car il a renié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan ouvre une parenthèse en disant que beaucoup de gens pensent que Taha et Yassine font partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est une erreur. Taha fait partie des lettres séparées. Taha qui sont 2 lettres. Également, Yasin, Ya est une lettre, et Sin est une lettre. Et ce ne sont pas des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en se basant sur cela, ces gens qui considèrent que ce sont des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam appellent leurs enfants Yasin et Taha. Appellent leurs enfants Yasin et Taha en considérant par erreur que ce sont des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité ce ne sont que des lettres séparées. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. Et les musulmans sont d'accord sur le nombre de sourates du Coran, également sur le nombre de versets, le nombre de mots et le nombre de lettres. لا شك أن القرآن معروف عدد آياته وعدد سوره وعدد حروفه ومن أراد معرفة ذلك فليراجع كتب علوم القرآن المسمى بأصول التفسير مثل كتاب الإتقان الإمام السيوطي وغيره من كتب أصول التفسير. Il n'y a point de doute sur le fait que les nombres de versets, nombre de sourates et nombre de lettres du Coran sont connus. Et celui qui veut connaître cela, qu'il retourne vers les livres qui traitent de la science du Coran, appelés Usul al-Tafsir, les bases du tafsir, comme le livre appelé Al-Itqan de l'imam As-Suyuti, ou d'autres livres dans le même domaine. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. Et il n'y a point de divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui renie une sourate ou bien un verset ou bien un mot ou bien une lettre qui fait l'unanimité du Coran, que celui qui renie une sourate, un verset, un mot ou une lettre du Coran, qu'il est mécréant. Et ceci est une preuve que le Coran est constitué de lettres. من أنكر القرآن أو أنكر سورة منه أو آية منه أو حرف منه أنه كافر بإجماع المسلمين لكن بشرط أن يكون هذا الحرف متفقا على صحته. Donc Cheikh Al-Fawzan confirme en disant que celui qui renie le Coran ou renie une sourate du Coran ou un verset du Coran, donc Allah, ou une lettre du Coran, que c'est un mécréant, et ceci à l'unanimité des savants, mais à condition que cette lettre soit, fasse partie, et un livre des lettres dont tout le monde est d'accord sur son authenticité. Puis l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi passe à un autre chapitre qui est le chapitre de l'attestation de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. قال الشيخ الفوزان انتهى من الكلام على القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى صفة من صفات الله عظيمة وهي الرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما تواترت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما دل على ذلك القرآن الكريم قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى بالضاد من النظرة وهي البهجة فوجوه المؤمنين يوم القيامة تكون نظرة مستنيرة بهجة وأما ناظرة الثانية فهي بالضاد المشالة أخت الطاء من النظر وقد عدي بإلى وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة أي تنظره يوم القيامة عيانا وهي وجوه المؤمنين النظرة الحسنة تنظر إلى وجه ربها فيزيدها ذلك بهجة وجمالا ونورا وفرحا وسرورا. Donc après que l'auteur ait terminé de citer la croyance des gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a concernant le Coran, il parle maintenant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Et il commence par parler de l'attribut de la vue, c'est-à-dire de la vision des croyants de leur Seigneur le jour du jugement. Que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement, comme cela est rapporté de façon mutawatira, c'est-à-dire de façon répétée et authentique, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme cela est également rapporté dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wujuhun yawma'idhin nadirah ila rabbiha nadirah » Des visages ce jour-là resplendissants qui regarderont leur Seigneur. « Nadirah » dans le verset 22 de Surat Al-Qiyamah, وجوهن يومئذ ناظرة. Allah عز وجل a dit des visages ce jour-là, ناظرة, avec un bad, qui vient du mot النظرة, qui est la, le fait d'être resplendissant, d'être rayonnant. Les visages des croyants le jour du jugement seront donc illuminés, rayonnants et resplendissants. Quand au verset suivant, le 23, où Allah Azza wa Jalla dit « Ila rabbiha nadhirah » c'est-à-dire qu'ils regarderont leur Seigneur, « nadhirah » avec cette fois-ci un « vad » et non pas un « bad » qui vient du mot « an-nazar » qui est le fait de voir. « Wa qad uddiya bi ila » et le mot « nazar » ici, « voir » est suivi du mot « ila » donc « nazara ila »« ila rabbiha nadhirah » qui est précédé de ila. Lorsque un nazar est précédé ou suivi de ila, il signifie le fait de voir avec les yeux. Je dis nazar, nazartu ila fulan, c'est-à-dire j'ai vu un tel avec mes yeux. Ila rabbiha nazira. Allah Azza wa Jalla dit ila rabbiha nazira. Qui regarderont leur Seigneur, c'est-à-dire avec leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils le verront le jour du jugement avec leurs yeux, et le visage des croyants, comme je l'ai dit, seront beaux, rayonnants, et regarderont le visage de leur Seigneur, et le fait de regarder le visage de leur Seigneur augmentera cette lumière, cette beauté, et augmentera également leur joie et leur bonheur. فالنظر إلى عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار وإذا عدي بنفسه انظرنا نقتبس من نوركم فمعناه الانتظار أي انتظرونا يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة انتظرونا نقتبس من نوركم لأن المؤمنين يعطون نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والمنافقون يعطون نورا في أول الأمر ثم يطفأ والعياذ بالله ويصيرون في ظلمة وهم مأمورون بالسير فيقولون للمؤمنين انظرونا أي انتظرونا حتى نقتبس من نوركم لأنهم في ظلام دامس لا يدرون أين يذهبون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Et lorsque le mot nazar n'est précédé d'aucun pronom, ni suivi d'aucun pronom, il signifie alors l'attente. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hadid, Surat Le Fer, le verset 13, lorsqu'il dit Unzuruna naqtabis min nurikum. Attendez-nous que nous profitions de votre lumière ou que nous utilisions votre lumière. Unzuruna ici, est-ce qu'il est précédé ou suivi d'un pronom? Non. Attendez-nous que nous utilisions ou que nous profitions de votre lumière. Ici, Allah Azza wa Jal parle des hypocrites. Il parle des hypocrites, de la parole des hypocrites, qu'ils diront aux croyants le jour du jugement. Ils diront, attendez-nous que nous profitions de vous, que nous profitions de votre lumière. Car les croyants, le jour du jugement, il leur sera accordé une lumière qui leur permettra d'avancer. D'avancer où ? Sur quoi ? Sur le sirat, sur le pont. D'avancer sur le pont qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'un rasoir. Plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'un rasoir, et il sera le pont sera établi au-dessus de l'enfer. Et les gens, tout le monde, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, wa minkum illa walituha, et chacun d'entre vous le traversera. Donc personne ne sera épargné, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam devra traverser le pont. Tout le monde passera par cette étape, et avancer dans un pont qui est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé qu'un rasoir, dans un sombre total, cela demande une lumière pour avancer. Et au début de la traversée, Allah Azza wa Jalla donnera à tout le monde une lumière. Comme le dit Allah Azza wa Jalla, بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Chacun, à chacun, il sera donné une lumière qui éclairera devant eux et à leur droite. Même les hypocrites. Sauf que, concernant les hypocrites et tous ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, cette lumière va s'éteindre pendant le trajet. Cette lumière va s'éteindre pendant le trajet, mais ils ne pourront pas s'arrêter et ils seront obligés de continuer leur route. Ils seront obligés de continuer leur route. Et c'est là où ils diront aux croyants, « Unzuruna naqtabis min nurikum. » Attendez-nous que nous profitions de votre lumière. Ils diront aux croyants qui, eux, ont leur lumière et qui avancent selon leur vitesse d'avancement sera proportionnelle à leurs œuvres. Certains traverseront comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme le cavalier, d'autres marcheront, d'autres ramperont, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils diront, attendez-nous que nous profitions de votre lumière. Car dans cette obscurité, ils ne savent pas où aller. Et il leur dira, irji'u wara'akum faltamisu nura. Revenez sur vos pas et recherchez la lumière. Revenez sur vos pas si vous voulez de la lumière. Faites demi-tour et essayez de retrouver de la lumière. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah. Et il sera placé entre eux un mur qui aura une porte ce qui apparaîtra sera un châtiment et ce qu'il y aura derrière la porte sera un délice. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Et les hypocrites diront, n'étions pas avec vous. Est-ce qu'on n'était pas avec vous, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas? Et effectivement, les hypocrites étaient avec les croyants et les musulmans. Sauf que, à la différence des croyants, ils montraient le contraire de ce qui résidait dans leur cœur. Ils montraient de façon, leur aspect extérieur était l'islam et la soumission. Mais leur cœur était mécréant. Ils n'acceptaient pas l'islam à l'intérieur de leur cœur. كما أنهم يمكرون بالدنيا مكر الله بهم أعطاهم نورا ثم سلبه منهم وذلك لشدة حسرتهم والعياذ بالله. Donc ils étaient effectivement dans cette vie d'ici-bas avec les croyants. Ils priaient, ils combattaient parfois dans le sentier d'Allah, mais tout ceci n'était pas motivé par la foi, mais cela était motivé par l'hypocrisie qu'Allah nous en préserve. Il leur sera donc donné une lumière le jour du jugement en guise de ruse et dans le but de ruser, comme ils ont rusé dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala rusera avec eux le jour du jugement en leur donnant au début de la lumière, puis en leur enlevant cette lumière, ainsi pour qu'ils ressentent le regret et qu'ils prennent compte de la gravité du péché qu'ils commettaient dans cette vie d'ici-bas. الشاهد أنه إذا عدي النظر بنفسه فمعناه الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي ما ينتظر هؤلاء إلا قيام الساعة فإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار وإذا عدي بفي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يعني تفكروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. Donc, pour résumer, lorsque le mot nazar n'est suivi d'aucun pronom ni précédé d'aucun pronom, il signifie l'attente. Attendez que nous profitions de vos lumières. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 210, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله N'attend-il que le fait qu'Allah vienne à eux, c'est-à-dire n'attend-il que l'arrivée de l'heure? Hal yanzurun, ici le terme yanzurun n'est précédé ni suivi d'aucun pronom. Il signifie donc l'attente. Et lorsque le mot nazar est suivi ou précédé de fa, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, c'est-à-dire dit, réfléchissez et méditez sur ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Lorsque le mot nazar est précédé au suivi de fi, il signifie le fait de méditer et de réfléchir. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, le verset 185, ne médite-t-il pas, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ne médite-t-il pas dans la royauté des cieux et de la terre, c'est-à-dire ne réfléchissent-ils pas sur les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. الخلاصة, إِذَا عُدِيَ النَّظَرُ بِنَفْسِهِ فَمَعْنَاهُ التَّوَقُّفُ وَالْإِنْتِظَارُ وَإِذَا عُدِيَ بِإِلَى فَمَعْنَاهُ الْمُعَيَّنَةُ بِالْأَبْصَارِ وَإِذَا عُدِيَ بِفِي فَمَعْنَاهُ التَّفَكُّرُ وَالْإِعْتِبَارُ. Donc pour résumer, lorsque le mot nazar n'est précédé ni suivi de rien, il signifie l'attente. Lorsqu'il est suivi ou précédé de ila, il signifie le fait de voir avec ses yeux. Et lorsqu'il est suivi ou précédé de fi, il signifie le fait de méditer et de réfléchir. ثم قال المؤلف والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم. Et l'imam de Qudam al-Muqdisi a dit, et les croyants verront Allah avec leurs yeux. بِأَبْصَارِهِمْ رَبَّنْ عَلَى مَنْ يَقُلْ إِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ أَوْ يَنْظُرُونَ إِلَى نِعْمَتِهِ يَنْظُرُونَ إِلَى جَنَّتِهِ وَإِلَى نِعْمَتِهِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللَّهِ يَعْنِي إِلَى جَنَّتِهِ وهذا تحريف لكلام الله بل ينظرون إلى الله بأبصارهم رؤية حقيقة ليس بينهم وبينه حجاب إكرام لهم حيث عبدوه في الدنيا وهم لم يروه وإنما عبدوه إيمانا به سبحانه واستدلالا بآياته الكونية والقرآنية عبدوه بالإيمان والتصديق. Ils le verront de leurs propres yeux. Ceci est une réponse à ceux qui disent ils le verront avec leur cœur, ou ils verront ses bienfaits, ou ils verront son paradis. Ils verront Allah, c'est-à-dire ils verront son paradis. Ceci est une déformation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, les croyants le jour du jugement verront Allah subhanahu wa ta'ala de leurs propres yeux, une véritable vision, une vision véridique. Et il n'y aura entre eux et Allah aucun obstacle. Et ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur eux, car dans cette vie d'ici-bas, ils auront adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans le voir. Ils l'ont adoré en croyant à lui subhanahu wa ta'ala, en prenant comme preuve ses signes, les signes célestes ou les signes rapportés dans le Coran. Ils l'ont donc adoré, subhanahu wa ta'ala, en ayant foi en lui et en considérant que tout ce qu'il disait était vrai. فالله جل وعلا يوم القيامة يجازيهم على ذلك بأن يتجلى لهم فيرونه عيانا فالذين عبدوه في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا في ذلك على الإيمان والتصديق بخبر الله وخبر رسوله والنظر في آياته أكرمهم الله يوم القيامة بأن تجلى لهم. Ainsi donc la récompense d'Allah عز وجل, le jour du jugement, il se montrera à eux, ils le verront sans aucun obstacle, et ceci en récompense de leur adoration dans cette vie d'ici-bas, sans avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْجِبُهُمْ عَنْ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى كَلَّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأنهم كفروا به في الدنيا ولم يصدقوا بإلهيته وأسمائه وصفاته فحجبهم الله يوم القيامة عقوبة لهم ودل ذلك على أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. Quant à ceux qui ont mécru en Allah عز وجل, Allah سبحانه وتعالى ne les permettra pas de le voir le jour du jugement. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Mutaffifin, le verset 15, bien sûr, ils seront ce jour-là empêchés de voir leur Seigneur. Ils seront empêchés de voir leur Seigneur, car ils ont mécru en lui dans cette vie d'ici-bas. Ils n'ont pas cru en sa seigneurie, en ses noms et en ses attributs. Ainsi, Allah Azza wa Jalla placera un voile entre lui et eux le jour du jugement, en guise de châtiment pour eux, et ceci, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jalla va priver les non-musulmans de sa vision le jour du jugement, est une preuve qu'il va l'accorder aux musulmans. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر وجوههم قتر ولا ذلة. Et Allah Azza wa Jalla dit à ceux qui ont été bienfaisants, الحسنى وزيادة, la bienfaisance est plus et un plus. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَحْسَنُوا يَعْنِي الْعَمَلْ فِي الدُّنْيَا الْحُسْنَ وَهِيَ الْجَنَّةِ وَزِيَادَةِ وَهِيَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ كَمَا فَسَّرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. Une autre preuve que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ. C'est dans quelle sourate ça? Surat Yunus, je crois. Surat Yunus, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ. Surat Yunus, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ, à ceux qui ont été bienfaisants, la bienfaisance est un plus. À ceux qui ont été bienfaisants, c'est-à-dire qui ont accompli de bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas. Al-husna, la bienfaisance, c'est-à-dire le paradis. Waziyada, le plus, c'est-à-dire la vision, c'est-à-dire le fait de voir le visage d'Allah, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim dans son sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset et a dit Al-husna al-jannah, waziyada al-nadharu ila wajhillah. Où le prophète sallam a expliqué très clairement que Al-Husna dans ce verset c'était le paradis et le plus c'était la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de voir Allah le jour du jugement. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو النظر إلى وجه الله وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه أدلة القرآن على رؤية الله والسنة فيها أحاديث كثيرة متواترة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. Et d'autres versets qui le prouvent, le verset 35 de Surat Qaf, où Allah Azza wa Jalla dit « Ils y auront tout ce qu'ils désirent et nous avons un plus. » Ils y auront, c'est-à-dire les croyants, tout ce qu'ils désirent, c'est-à-dire au paradis. Et Allah Azza wa Jalla dit « Waladayna mazid » et nous avons un plus. Et ce plus, c'est le fait que les croyants verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc des preuves dans le Coran sur le fait que les croyants verront Allah azza wa jal, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient énormément de hadiths qui sont mutawatir, c'est-à-dire qui ont atteint le plus haut degré d'authenticité, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. فالرؤية ثابتة في القرآن ومتواترة في السنة وإثباتها مذهب أهل السنة والجماعة المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة يرونه في موضعين في عرصات القيامة في المحشر وفي الجنة إذا دخلوا الجنة يرونه رؤية تنعم وإكرام وذهب المعتزلة وأشبههم ومشتقاتهم إلى نفي الرؤية قالوا لأن الرؤية لا تكون إلا لجسم والأجسام متشابهة فإذا أثبتنا الرؤية أثبتنا أن الله جسم والأجسام متشابهة هذا مثل منهجهم في الصفات كلها وهذا أمر باطل. Donc la vision d'Allah عز وجل est donc présente et rapportée dans le Coran, dans la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم, et le fait d'y croire fait partie de la voie des gens de la sunna et de l'jama'a. Les croyants verront donc Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Ils le verront dans deux endroits, dans la terre du rassemblement, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jalla rassemblera toutes les créatures dans la terre appelée Ardul Mahshar, la terre du rassemblement, dans laquelle toute créature, que ce soit un homme, que ce soit un djinn, ou même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, même les bêtes, il sera jugé, yani la bête qui avait des cornes sera jugée sur le mal qu'elle a fait à une bête qui n'avait pas de cornes. Et ceci depuis Adam, concernant les êtres humains et les djinns, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains et jusqu'au dernier des djinns. Et le deuxième endroit où ils verront Allah Azza wa Jalla, ce sera dans le paradis. Lorsqu'ils y rentreront, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Mu'tazila et tous ceux qui sont semblables à eux n'attestent pas ou ne croient pas en la vision des croyants à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils disent, le fait de voir, ou ils disent, tu ne peux voir qu'un corps. Et tous les corps se ressemblent. Donc le fait de dire que tu vois Allah signifie qu'Allah a un corps et donc que tu fais ressembler Allah à ses créatures. Donc regardez où ils sont partis. Si tu vois, tu ne vois qu'un corps et les corps se ressemblent. Donc si tu dis que tu vois Allah, donc c'est que tu dis qu'Allah est un corps, donc il ressemble à ses créatures. Et ils ont fait la même chose pour l'asma wa sifat. Pourquoi ils disent, nous n'attribuons pas à Allah la vue? Parce qu'ils disent, en disant cela, tu fais ressembler Allah à ses créatures. Et on a vu à plusieurs reprises que le fait d'attester la vue à Allah Azza wa Jalla ne signifie pas que tu le fais ressembler à ses créatures. فَنَقُولُ يَرَى الْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَقُولُونَ وَهُوَ التَّشْبِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى لَا يُشْبِهُ شَيْءٍ وَفِي الْحَدِيثِ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته حديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جميع فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا من المخلوقات يرونه ولا يحصل زحام وهو القمر ليلة البدر كل يراه وهو في مكانه وليتزاحم الناس عندما يريدون رؤية القمر هل يتزحمون ليروا القمر أو كل يراه في مكانه كذلك الشمس يرونها في كل مكانه لا يتزحمون فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله فإن الله جل وعلا أعظم وأجل يرى ولا يحصل زحام أو تزاحم في رؤيته أو تضام ولا تضامون أو تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. الشيخ الفوزان دي en réponse à cette ambiguïté de Mu'tazila et de leurs semblables, il dit les croyants verront leur Seigneur, et le fait de le voir ne veut pas dire, comme le disent les Mu'tazila, qu'ils le font ressembler, qu'ils le font ressembler à ces créatures. Car Allah Azza wa Jalla, rien, absolument rien, ne lui ressemble. Et dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune pendant les jours de pleine lune, et comme vous voyez le soleil lorsqu'il n'est pas caché par des nuages, vous ne vous bousculez pas pour le voir, vous ne vous bousculerez pas pour le voir, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela lorsqu'il a été questionné, lorsque ses compagnons l'ont questionné: comment allons-nous voir notre Seigneur alors qu'il est unique et que nous sommes beaucoup? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un exemple parmi des créatures qu'il voit de leurs propres yeux et dont la vision n'est pas accompagnée de foule, ni de ziham, de bousculade. Et ces créatures que le prophète sallam a pris comme exemple sont la lune, la pleine lune. Tout le monde voit la pleine lune. La pleine lune est dans son endroit, mais tout le monde la voit et personne ne se bouscule pour voir la pleine lune. De même pour le soleil, lorsqu'il n'est pas caché par des nuages et qu'il est voyant, personne ne se bouscule pour voir le soleil. Or, la lune et le soleil sont des créatures, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est bien plus grand et bien plus immense, et il sera vu, subhanahu wa ta'ala, sans que les gens n'aient besoin de se bousculer dans sa vision. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية الله جل وعلا برؤية الشمس والقمر، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، لا يشبه الله القمر ولا يشبه الله القمر ولا يشبه الشمس ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. Ceci est donc une comparaison quant à la vision. C'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala sera la même que la vision du soleil et de la lune. Et ce n'est pas une ressemblance de ce qui est vu. Car Allah azza wa jal ne ressemble pas à la lune, il ne ressemble pas au soleil et il ne ressemble à aucune de ses créatures. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple pour montrer quoi ? Pour montrer la façon dans laquelle nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le verrons comme nous voyons la lune et le soleil, c'est-à-dire que nous sommes des millions, des milliards, et que nous ne nous bousculons pas pour voir le soleil et la lune. Ainsi, nous serons pour la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler le soleil ou la lune à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Mu'tazila renie également ce hadith en disant: en acceptant ce hadith, vous faites ressembler Allah à ses créatures, et ici notamment à la lune et au soleil. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.